Nous sommes prêts à tout. Et la coopération française ne prétend pas s'imposer. Nous savons très bien que progressivement, si la France veut jouer son rôle moral et politique, elle sera amenée à étendre son effort de coopération, comme elle le fait déjà, vis-à-vis de certains pays d'Amérique latine, par exemple. Comme j'ai promis qu'on le ferait vis-à-vis de l'Indonésie, récemment. D'autre part, nous savons très bien que des pays européens, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne, comme l'Italie, ou extra-européens, comme le Japon, sont intéressés par l'Afrique, et d'autres encore, d'ailleurs. Et que, par conséquent, il n'y a pas de monopole français en Afrique, ni le monopole africain vis-à-vis de la France. En écho, cette intervention du président sénégalais Léopold Sédar Senghor à la veille du 5e sommet franco-africain qui se tient à Paris en mai 1978.